Oui, le deuxième Pop and Rock s'était ouvert avec la bande Andrew Eldritch qui plus tard aura même droit à une émission spéciale Sisters of Mercy. Mais en attendant, voici le premier titre apparu dans le Pop and Rock numéro 3, I Lose Myself, Satan General. Time!

Morrissey est souvent venu dans Pop and Rock en solo ou avec ses Smiths. Pour Morrissey, il y a l'artiste et puis il y a l'homme. L'artiste ne peut pas tout rattraper. Heureusement, il reste Johnny Marr. Et oui, si le 6e Pop and Rock ouvrait avec Morrissey, le 7e imposé de Johnny Marr qu'on vient d'écouter et qu'il faut absolument voir en live avant qu'il ne soit trop tard, comme c'est le cas pour les Sonic Youth. To another camp. This one's called Stella Was a Diva and She's Always Down. Allez, c'est parti pour les 6 minutes des New Yorkais de Interpol. C'était la première piste du Pop and Rock numéro 9. Man.